Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'OST, le magazine qui vous parle de jeux vidéo mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pendant un peu moins d'une heure et comme à chaque fois, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui, c'est la dernière émission d'OST de la saison. On va se quitter après et on va prendre des vacances bien méritées, n'est-ce pas? Et pour cette dernière, on va donc faire un numéro un peu spécial puisque au lieu de vous parler d'une BO précise, on va plutôt faire une espèce de playlist, en fait, de jukebox, en gros, un gigantesque niveau bonus, si vous voulez, où on va se mettre voilà, nos musiques qu'on aime bien, des jeux qu'on a écoutés dans la saison ou pas, d'autres trucs qu'on voulait vous faire découvrir, ou peut-être qu'on va faire après la saison prochaine, parce que logiquement, on est encore là la saison prochaine. Donc voilà, on a un gigantesque jukebox avec plein de morceaux à vous présenter, et on va commencer tout de suite, allons-y, lançons-nous dans le grand bain, et Emeline, c'est toi qui commences. Alors, je commence avec le jeu Braid, qui est un jeu d'énigmes qui a été développé par Jonathan Blow en 2009. Alors, c'est un jeu qu'on peut faire sur PC, principalement. Vous le retrouvez donc avec... vous retrouvez un petit personnage qui va... C'est un petit peu le synopsis dont on a l'habitude d'entendre parler. Un petit personnage qui doit sauver sa princesse, son amoureuse. Mais il va devoir passer par toute une série d'énigmes donc, qui jouent sur la temporalité, sur le temps. Des fois, l'exemple le plus concret, quand vous avancez des fois dans le jeu, vous allez vers la droite, le temps passe normalement, et puis finalement vous revenez en arrière, mais le temps rembobine. Et tout ça, ça va amener des énigmes très particulières, parce qu'il va falloir bien sûr éviter des monstres, et où les combattre, et de telle façon à vraiment... voilà, et ça, on joue sur le temps, et pour éviter tout ça, il va falloir être très logique. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que la musique aussi a une part très importante, et on va s'écouter tout de suite un extrait de cette bande originale qui s'appelle Downstream et qui a été composée par Shira Kamen. Thank you. écouter un extrait de Braid. La musique s'appelait Downstream. Ce jeu est très marquant parce qu'il y a une ambiance vraiment toute particulière, surtout grâce à la musique qui est donc médiévale en fait, qui rappelle les musiques anciennes. Et vous avez des instruments anciens, justement la compositrice Shira Kamen joue dans cet extrait de la vielle qui est l'ancêtre du violon. Ça donne un son assez particulier et une couleur très douce et on n'est pas obligé de deviner tout de suite que ça vient d'un jeu vidéo. Voilà, ça vient aussi de cette musique-là, donc c'est une musique d'une certaine façon sous licence, puisqu'en fait la compositrice l'avait composée pas pour le jeu à la base, et ça vient de l'album Music of Waters, qui a été composé en 2003. Voilà, donc si vous voulez maintenant jouer à Braid, il est toujours disponible en téléchargement, il est sur PC et il doit être sur les consoles aussi. Il était de sûr sur PS3 et Xbox 360, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit sur maintenant PS4 et Xbox One. Donc si vous voulez essayer le jeu de Jonathan Blow, qui est toujours aussi bon, et que vous avez raté cette pépite indépendante, je vous conseille fortement d'essayer de vous ruiner les ménages dessus. Oui, oui, oui. On continue donc notre émission OST spéciale Jukebox avec plein de musique partout. C'est à mon tour cette fois, et là on va revenir ce coup-ci en 2001, époque PlayStation 2, avec un jeu qui lui aussi a marqué son temps et son époque. C'est le premier jeu développé par ce qu'on a appelé après la Team ICO, avec un développeur, un chef d'orchestre très connu qui s'appelle Fumito Ueda, et donc qui en fait a pas révolutionné, mais qui a vraiment marqué son époque avec des jeux beaucoup plus liés à l'émotion et à un côté très poétique en fait dans ces jeux. Et évidemment, il y en avait déjà d'autres, mais sous cette forme-là, c'était assez innovant. Et donc, en 2001, sort une espèce d'ovni qui s'appelle ICO, donc I-C-O, qui est sorti donc sur PlayStation 2 et qui est, voilà, l'histoire assez simple, un petit garçon un peu étrange avec des cornes qui débarque dans un château très mystérieux. Et au fur et à mesure, en fait, de son exploration, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Yorda. Et ils vont tout faire, en fait, ensemble pour s'en sortir enlever les embûches. Il y a des combats, etc. Il y a beaucoup d'exploration, mais c'est vraiment un jeu extrêmement contemplatif également, avec beaucoup de choses différentes. Et ce lien assez étrange et en même temps très touchant entre ce petit garçon et donc la princesse Yorda, qui va devoir accompagner et qui va essayer de sauver du coup pendant tout le long du jeu. Donc on s'écoute un extrait de la bande originale de ICO et je vous en parle un petit peu après. Castle in the Mist, donc l'un des morceaux de la bande originale du jeu ICO, donc qui est développé par la team ICO en 2001. Et donc au niveau de la composition, c'est une compositrice qui s'est occupée de ce morceau, c'est Michiru Oshima. Donc il a composé une bonne partie des morceaux du jeu ICO. L'autre morceau, c'est un musicien sous pseudonyme qui s'appelle Pentagone. Et donc avec une bande originale pleine de choses assez différentes finalement, mais on est beaucoup dans cette ambiance un peu mystérieuse, un peu planante, contemplative. Surtout finalement quand vous jouez, il y a très peu de musique. Elles sont en fait très bien placées à des endroits très stratégiques, mais le reste du temps, on est beaucoup soit sur le silence, soit sur les bruitages pour vraiment avoir une sensation d'immersion. Mais là, c'est une musique qui est très belle, avec toutes ces cordes pincées qu'on peut entendre et qui vraiment vous met bien dans cette ambiance un peu mystérieuse, un peu étrange, un peu folklorique aussi. Et donc, qui marche très bien. Et donc, voilà, si jamais vous n'avez encore une fois pas essayé ICO, c'est aussi un immanquable. Personnellement, c'est un jeu que j'ai trouvé excellent. Il y a eu un autre jeu encore de la team ICO qui s'appelle Shadow of the Colossus, qui est également sorti sur PS2. Ils ont une réédition sur PlayStation 3. Et on attend encore une fois, depuis maintenant bientôt 10 ans, le troisième jeu qui est en développement. Il est là, il va sortir un jour, mais pour le moment on l'attend toujours, il a été repoussé, qui devrait s'appeler The Last Guardian, et on attend encore ce jeu. Donc voilà, on continue notre émission OST spéciale Jukebox, et c'est re à ton tour, du coup Emeline, on va se passer la balle, hein, tout au long de l'émission, vous inquiétez pas. Voilà, et là moi j'enchaîne avec le jeu Drakan. Alors je pense que pendant toute cette émission, vous allez vous entendre dire « faut jouer à ce jeu ». Là, c'est un peu compliqué. Drakan est sorti en 1999 et développé par Golden Bazaar. Et a priori, si vous y jouez maintenant, vous allez un petit peu être scandalisé. Déjà, il faut trouver un PC qui veut bien accepter ce jeu. Une carte graphique assez mauvaise pour accepter Drakan. Mais en plus, voilà, les graphismes sont très très vieux maintenant. Alors qu'à l'époque, je sais que moi j'avais beaucoup aimé. Mais déjà, ils étaient de leur temps, quoi. C'était pas en avance. Bon, donc Drakan, c'est l'histoire de Rin, une jeune femme. Donc c'est un monde d'heroic fantasy. Rin va tout faire pour retrouver son frère qui a été kidnappé par des orques. Et elle va trouver de l'aide auprès d'un grand dragon, sans doute le dernier de son espèce, qui s'appelle Arok. Et c'est un jeu génial, un jeu d'aventure à la troisième personne, qui est un monde très, très rempli, très riche, avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est peut-être un des premiers jeux auxquels j'ai joué d'ailleurs. Et là, cette fois, on va vous passer du coup un extrait de la bande originale, un passage qui est dans les îles. C'était donc un extrait de la bande originale du jeu Drakan, sorti en 1999. Elle a été composée par Tim Ebling et Blast. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors, on va passer avec, pour une fois, un morceau d'un groupe que vous connaissez, en tout cas qu'on vous a présenté dans l'émission OST, puisqu'il s'agit du groupe Dva, donc du groupe tchèque qui a composé la bande originale du jeu Botanicula, dont on vous a parlé il y a maintenant 2 mois, si ma mémoire est bonne. Voilà, on vous a déjà présenté cet univers grouillant d'insectes et de végétaux, qui est assez unique également. Et donc avec ce jeu d'Amanita Design, donc ils avaient recruté le groupe Dva, mais c'est une collaboration finalement qui s'est maintenant installée avec le temps. Et donc quand Dva a sorti son album donc Nipomo en 2014, ils ont fait une chanson qui s'appelle Mulatu. J'essaie de vous la prononcer à la tchèque, hein. je fais ce que je peux. Et donc, pour réaliser le clip de cette chanson, ils ont fait appel donc à Monsieur Plary, qui est du coup développeur chez Amanita Design. Donc maintenant, ils commencent à se renvoyer la balle en fait au niveau des morceaux et des clips, etc. Donc il y a une vraie collaboration qui s'est visiblement installée entre Amanita Design et le groupe Dva, et on s'écoute tout de suite donc le morceau Mulatu. Voilà, le groupe Dva, donc avec toujours cet univers assez original et particulier. Donc vous pouvez retrouver hein, sur Internet, sur YouTube, la plupart de leurs morceaux sont en mode libre. Et c'est toujours assez intéressant. Bon, il y a des trucs un peu plus chelous que d'autres, on va dire, pour être poli, mais ça marche toujours bien. Enfin, moi, je suis plutôt maintenant admiratif de ce qu'ils font. En tout cas, c'est un groupe que j'ai découvert du coup grâce à la bande originale de Botanicula. On continue, du coup, dans notre petite jukebox, et là, on va s'attaquer à un gros morceau. Ah oui, c'est du lourd. et là, cette fois, on attaque le jeu de toute ma vie. Voilà, j'essaie de motiver Romain pour faire une émission complète sur cette bande originale. Je pense que c'est 20. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est une musique en 8 bits. C'est une musique qui illustre des personnages, des petits animaux un peu bizarres qu'on doit attraper. Attrapez-les tous. On s'écoute donc un extrait de la bande originale de Pokémon sortie en 1996. La route vers Jadiel. Ça continue comme ça pendant 5 minutes, donc vous êtes prêts à l'avoir dans la tête. Donc, je coupe un peu sauvagement, mais voilà. Donc la route vers Jadiel du jeu Pokémon. Donc c'est Pokémon, c'est rouge et bleu ça, hein, c'est les tout premiers. C'est ça, c'est la version qu'on retrouve sur Game Boy Pocket. Et même on a la version Game Boy Color que j'avais quand même réussi à avoir, mes parents ont bien voulu. La version jaune où on a un petit Pikachu qui nous suit pendant toute l'aventure. Ah, c'est mignon. C'était génial, on pouvait savoir s'il était heureux ou pas. Voilà, donc Pokémon, c'est sans doute le jeu qui a marqué mon enfance. J'ai joué des heures et des heures. Si je cumule les heures de jeu là-dessus, ça fait peut-être un an de jeu complet sur Pokémon, je sais pas. Mais c'est une musique qui a été composée par Junichi Masuda. Et je pense que cette musique-là, pour ceux qui ont même joué un tout petit peu à Pokémon sur Game Boy, ça parle. C'est une des premières qu'on entend et on l'entend longtemps parce qu'on passe pas mal de temps dans sur cette route à essayer d'attaquer le plus de petits personnages possible pour commencer à avoir un certain niveau en tant que dresseur et de préparer ses Pokémon pour la suite. Et Pokémon, ça ne s'est jamais arrêté parce qu'il y a encore des nouveaux qui vont sortir. Donc là, ils doivent être à peu près 3 millions de Pokémon à collecter. Et ça marche toujours aussi bien. Voilà, le jeu a 20 ans. Il y a toujours autant de fans. Et donc, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans cette année. C'est incroyable. Ah oui. Autre grande saga niveau RPG, mais là, ce coup-ci, c'est vraiment c'est du mastoc. C'est même la référence, on va dire, pour ce qui est le RPG japonais. C'est évidemment Final Fantasy. Et donc, on vous en a pris deux. On aurait pu en prendre 40 parce qu'il y a beaucoup. Enfin, il y a 14 jeux, bientôt 15, et qu'il y a énormément de musique et de morceaux qui sont très reconnaissables et très marquants, en tout cas pour la communauté jeux vidéo. On en a choisi deux, donc on a été vraiment sympa avec vous. Et c'est toi qui commences, Emeline. Oui, je commence avec FF8, qui est le Final Fantasy auquel j'ai joué il y a un petit moment maintenant, mais qui m'a vraiment marqué. Et on va commencer donc par s'écouter la musique de la première mission que fait notre héros Squall, qui s'appelle The Landing. Thank you. C'était donc un extrait de la bande originale du jeu Final Fantasy VIII, composé par Nobuo Uematsu, qui est a priori le compositeur attitré de tous les FF. En fait, qui est le compositeur historique des Final Fantasy et qui a un énorme nom de la composition de jeux vidéo au Japon, mais qui est du coup devenu un succès mondial, évidemment, avec l'essor des Final Fantasy d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe, parce que c'est assez compliqué, etc. Mais nous, le premier qu'on a eu vraiment pour nous, les Européens, c'est le 7, donc c'est en 1997. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là. Et là, Final Fantasy VIII, ça fait partie de ses dernières compositions, etc. Bah, d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce qu'au bout d'un moment, il a du coup un peu laissé la main au fur et à mesure où on lui a dit qu'il fallait plutôt laisser la main. Donc c'est arrivé à partir de l'épisode numéro 10 qui est sorti en 2001 si ma mémoire est bonne et qui est le premier épisode à sortir sur l'ère PS2 et c'est tout en fait, il n'est pas sorti sur Xbox évidemment. Et donc c'est la dernière fois qu'il a vraiment pris part à une composition, mais là ce coup-ci ils étaient plusieurs en fait à se répartir le travail et il était notamment en collaboration avec Amaozu qui est aussi un compositeur assez connu au Japon et donc ils se sont partagés un peu les thèmes et pour être tout à fait sincère, effectivement, quand on voit les thèmes des personnages qu'a composé Uematsu, il était un peu temps qu'il passe la main. Parce qu'il a fait des très bonnes choses dans FF10, attention, hein, je ne vais pas insulter le maître. Mais on a senti qu'il y avait 2-3 trucs qui commençaient un peu à déraper, on va dire. Et donc, ils ont repris la main. Pour FF12, c'est encore un autre compositeur, etc., etc. Et donc là, on va s'écouter du coup l'un des thèmes de Final Fantasy X, qui est composé donc, par Amaozu, et qui est le thème des Ronsu, qui sont un des peuples de Final Fantasy X, donc un des peuples de Spira, qui sont ces espèces de grands hommes félins bleus. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc avec une tête de lion et qui sont des gardiens en fait extrêmement importants dans Spira et qui sont des guerriers, une race de guerriers en fait, qui sont dans une montagne qui s'appelle le mont Gagazet. Et là, c'est en fait le thème, donc le thème du peuple qui est loin au nord. On s'écoute ça tout de suite. Ouais, moi ce thème c'est vraiment l'un de mes préférés de Final Fantasy X, qui n'est pas mon Final Fantasy préféré, c'est un grand débat. Mais pourtant il y a Tidus. Ouais, super. Mon personnage préféré. Okay. Non, mais je l'ai tenté, j'ai même pas joué, donc je peux rien dire. Je le déteste. donc voilà, le grand débat hein, dans les joueurs de jeux vidéo. Hey, c'est quoi ton Final Fantasy préféré? Bon, c'est pas très grave. La licence continue de toute façon. Le 15 va bientôt sortir. Oui, on en est déjà à 15, Emeline. J'atterris. Le temps passe. Okay. Et donc, on attend ça. Enfin, moi, j'attends toujours ça avec impatience, évidemment. Un nouveau Final Fantasy, c'est quand même un truc qu'on attend impatiemment. On continue donc notre émission spéciale OST avec plein de morceaux, jukebox, un grand niveau bonus. Ah, petite anecdote sur les niveaux bonus, c'est que si vous avez logiquement reconnu ou si vous connaissez en tout cas les jeux Final Fantasy, vous avez dû comprendre que maintenant notre jingle de niveau bonus, c'est le thème des chocobos parmi toutes les versions de Final Fantasy qu'on a pu trouver. On continuera peut-être la saison prochaine où on trouvera un autre gimmick hein, pour les niveaux bonus, on peut-être. Verra bien. Oui, voilà. Alors, on continue donc notre petite sélection de morceaux de BO de jeux vidéo. Et c'est à nouveau à toi, Emeline. Avec le jeu FTL, Faster Than Light, qui est sorti en 2012. La bande originale de ce jeu a été composée par Ben Prunty. On vous parle un petit peu du jeu après avoir écouté donc, le thème des hommes de pierre. On vient donc de s'écouter un extrait de la bande originale du jeu Faster Than Light. Donc c'était le thème des hommes de pierre. En fait, ce jeu se passe dans l'espace. C'est un jeu de stratégie où vous allez combattre plusieurs autres vaisseaux spatiaux. C'est donc le thème qu'on a quand on rencontre les hommes de la pierre ou quand on les combat ou quand on se promène dans leur espace-temps. Voilà, et c'est un jeu super intéressant que moi j'ai découvert un peu tardivement, mais sur lequel on peut passer vraiment beaucoup de temps et on s'acharne un peu. Si vous perdez, vous ne pouvez pas sauvegarder. Si vous perdez, vous perdez. Et c'est assez difficile, vraiment à gérer et à gagner jusqu'au bout. Et donc, il y a un petit challenge à chaque fois d'y arriver pour une partie d'environ une heure et demie, je dirais. Une heure et demie, ça dépend comment on a l'habitude. Avec quelle est la difficulté. Avec un boss final absolument terrible. Oui, j'en parle pas, je me plante à chaque fois. Donc ouais, qui est un jeu en plus avec de l'aléatoire, donc vous pouvez jamais avoir deux fois la même partie en fait. Et il y a énormément de types de vaisseaux parce qu'il y a plein de races différentes. Et donc ce qui est vraiment bien foutu avec la musique de Ben Prunty, c'est qu'il a trouvé un thème très spécifique pour chaque espèce que vous allez trouver dans l'espace. Et donc c'est ça qui est plutôt bien vu, ce qui fait que la musique se renouvelle assez vite. Si vous allez de système en système, du coup vous n'avez rarement la même musique. En plus, les thèmes se modifient lorsque vous êtes en phase d'exploration ou quand vous êtes en phase de combat. Et vous avez en plus voilà, des thèmes, des musiques d'exploration qui n'ont des fois pas trop de rapport avec les thèmes en question. Et du coup, tout s'écoule et tout se suit très bien. Oui, donc c'est un entre guillemets un petit jeu qui est grand par son contenu, mais voilà, qui est un jeu indépendant et qui ne coûte pas très cher. Si vous êtes féru de stratégie temps réel, etc., semi-temps réel, je vous conseille fortement évidemment Faster Than Light. C'est très simple. Par exemple, pour un petit PC portable, c'est parfait pour les voyages en train. Par exemple, ça sent le vécu. On continue là et on va changer radicalement d'ambiance. On était plutôt quand même sur des musiques soit assez héroïques, soit assez joyeuses, ou en tout cas plutôt sympathiques. Là, on va tomber dans un état de dépression assez profond parce qu'on va parler du jeu The Cat Lady et avec le morceau I Have Mouths But I Can't Scream. Voilà, donc I Have a Mouth and I Can't Scream, donc de la bande originale de The Cat Lady, qui est donc un jeu extrêmement particulier. C'est creepy. Exactement, creepy, c'est le bon terme. C'est un jeu extrêmement glauque, extrêmement bizarre, qui vous met donc vous interprétez en fait une personne qui s'appelle Susan Ashworth, qui est une quarantenaire en fait, qui est dans une grosse dépression et qui du coup à qui va arriver des événements assez extraordinaires et qui va du coup avoir un changement en fait dans sa vie, mais l'ambiance, enfin tout, c'est en noir et blanc le jeu à part quelques notes de couleur et il y a que des thématiques très éprouvantes en fait sur le suicide, sur la dépression, sur ce genre de choses. C'est assez étrange, enfin c'est assez particulier dans l'univers du jeu vidéo finalement. C'est jamais abordé aussi frontalement que ça, je trouve. J'ai jamais trouvé de jeu avec cette ambiance là et du coup c'est très très froid quoi. Enfin moi je sais que ça m'a mis très mal à l'aise ce jeu. Et donc c'est un jeu qui est développé par une équipe polonaise avec en développeur un certain Miralski et le compositeur s'appelle également Miralski, donc je ne sais pas s'il y a un lien de parenté. Moi comme ça j'aurais dit qu'ils étaient sûrement frères, mais voilà, donc c'est un jeu qui est sorti en 2012 Who's the Cat Lady, qui est un point and click, donc voilà, où vous interagissez comme ça, beaucoup d'énigmes, et c'est un jeu donc c'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu extrêmement malsain, voilà, qui, je sais pas, peut vous faire penser par exemple à des scènes comme dans Seven, où il y a des choses, voilà, c'est dans cet univers glauque là, un peu moins le côté policier, vraiment le côté discussion psychologique, etc. Et donc c'est un jeu extrêmement intéressant. Moi, je vous conseille d'y jeter un œil sur ce jeu indépendant assez méconnu, ma foi. On va terminer notre émission parce que voilà, on voudrait vous passer vraiment encore 12 morceaux. On est prêt, mais au bout d'un moment, le temps file. Donc on passe un dernier, Emeline. Oui, et cette fois, on vous parle de Life is Strange. Alors, c'est peut-être le jeu le plus récent dont on vous parle aujourd'hui. Life is Strange est un jeu à épisodes. Ça se fait pas mal en ce moment. On interprète une jeune fille qui est dans une école de photographie, dans une université, et qui va découvrir qu'en fait, elle peut remonter le temps. Et c'est assez fascinant et assez bien fait. C'est un jeu que je ne peux que conseiller dans une ambiance assez douce, pourtant avec des passages un petit peu stressants et assez bien fait justement au niveau de la... comment je peux dire, du gameplay. Oui, c'est assez intéressant. Enfin, après, c'est pas un jeu à l'interaction extrêmement extraordinaire où vous n'allez pas faire des milliards de choses en même temps. Enfin, si vous êtes un acharné du pad et de votre manette, là, ce sera pas le jeu fait pour vous, mais c'est assez intéressant de voir ça. Et surtout, le retour dans le temps est assez intéressant. Oui, c'est ça. Et l'ambiance est toute particulière et c'est aussi grâce à la bande originale. Justement, on va s'écouter donc un extrait de la musique. C'est là l'extrait qu'on vous passe, c'est la musique sous licence, encore un peu pour faire le rappel de la première musique qu'on a pu vous passer dans ce début d'émission. Et cette fois, on écoute donc To All of You de Sid Matters. Imagine a world without you, American girls. I'd like to be part of the world around you, driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had. When I fly to the wild land. Cette musique est donc extraite de la bande originale de Life is Strange et c'est une musique que vous pouvez entendre à la fin ou au début. Non, celle-là, c'est, pardon, excuse-moi, c'est celle du début. C'est la première musique qu'on entend, ouais. Voilà, c'est ça. Et souvent, les chansons comme ça, on les retrouve au début d'un épisode et à la fin d'un épisode, ce qui rythme un petit peu, ce qui nous donne les génériques en fait des épisodes. Ouais, ce qui est assez bien fait, c'est parce que là, c'est le moment où Max, notre héroïne, en fait, met ses écouteurs, elle sort de classe, elle met ses écouteurs, et paf, c'est là-dessus qu'on tombe, en fait, c'est sur cette musique-là. Donc voilà, musique intradiégétique, on l'aura placée à chaque émission. Bravo. Toute la saison, c'est beau. Voilà, c'est à ce moment-là, et du coup, on a dans cette atmosphère vraiment toute douce, toute pop, très sympa, très film indépendant américain, comme Juno, etc., etc. C'est le genre d'ambiance qui vous va et que vous aimez mettre un bonnet alors qu'il fait chaud, par exemple. C'est ça. Ce jeu est fait pour vous. Voilà, très clairement. Ça ne coûte pas très cher, c'est 5€ par épisode et ça vaut vraiment le coup avec tous les trucs d'effet papillon, etc. Machin. Donc, Life is Strange, qui est développé par le studio Dontnod et c'est édité par Square Enix, si ma mémoire est bonne. Si la musique vous a plu, vous allez pouvoir retrouver l'album fait par Sid Matters en 2005. Qui s'appelle, attention, Someday We Will Foresee Obstacles. Voilà, Obstacles, qui est un autre morceau qu'on peut retrouver dans Life is Strange, également de Sid Matters. Donc, il a fait, voilà, ils ont repris pas mal de trucs de musique sous licence de lui qui donne cette ambiance assez particulière. On en a terminé, Emeline, oui, pour cette dernière émission. Donc, voilà. Oh. C'était officiellement la fin de la première saison d'OST. Félicitations, Emeline, bravo. Félicitations à toi, Romain. Tu as été excellente. Ah ben oui, je m'en rends compte, mais, mais toi aussi. Donc voilà, on vous remercie vraiment tous ceux qui ont écouté, téléchargé le podcast, etc. De ces 8 numéros, c'était vraiment super pendant tout ça. C'était pas mal de boulot de recherche, etc. De pouvoir faire ça, d'apprendre aussi la technique. Enfin, on a fait pas mal de choses. Et pour une première saison, c'est plutôt pas mal. Oui. Et donc là, 2 mois de pause, on se retrouve, si tout va bien, on l'espère, en septembre, pour réenclencher une nouvelle saison. Il y a encore pas mal de jeux dont on voudrait parler, et pas mal de morceaux à vous faire passer. Donc voilà, on va revenir encore plus fort, encore plus grand, en septembre. Et voilà, donc en attendant, il y a toujours les réseaux sociaux. On va essayer de poster des trucs, ce serait bien, pour quand même faire vivre un peu ces réseaux sociaux. Et puis, voilà, on se retrouve, nous, en septembre. Donc, on vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. À bientôt.